بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى، ما بعد. إن شاء الله يكون خير. Donc la première question, ça veut dire quoi Aïna? Vous pouvez donner la définition d'Aïna. Quelle est la définition d'Aïna? Ça va? C'est quoi la définition du ism al-mu'arab? C'est quoi la définition du ism al-mu'arab? Ou l'ism al-mabni? La définition d'ism al-mu'arab ou al-mabni, c'est-à-dire la variable ou la variable. Tamam. Al-baytu. Écrivez. Al-baytu. Al-madita. Ou al-mustashfa. Tamam. Classez-moi ces mots-là dans la catégorie de variable ou bien invariable. Al-baytu. Al-madita. Ou al-mustashfa. D'accord. Chacun de ces trois mots-là, vous les placez dans la catégorie qui est variable ou bien invariable. La définition du net. La définition de amam wa khalf. Les mots qui se finissent, ou les mots qui sont à la wazn, fa'lan. Quelle est leur particularité et pourquoi? Les mots qui sont à la wazn, fa'lan, à la wazn, fa'lan, qui sont sous la forme de fa'lan. Comme kaslan, jou'an, atashan. La définition de ilba. C'est quoi la définition du ism al-mansoul? Et quel est le ism mansoul qui est utilisé pour le masculin singulier et pour le féminin singulier? Évoquez-moi tous les damir muttasil que vous connaissez et tous les damir munfasil que vous connaissez. Les damir muttasil et les damir qui sont munfasil. Pour les mots. Hein, pour les mots. Avec un exemple pour chaque. Allez, tu mets l'exemple avec. Damir Muttasil. Yes, voilà. Damir Muttasil ou Damir Munfasil. Et à chacun, un exemple. Ok. Quelle est la particularité des prénoms ou des noms propres? Quelle est la particularité des noms propres masculins sous la forme féminin? Chez les arabes de Uhibbu al-Lura al-Arabiya. Uhib al-Lura al-Arabiya. Quels sont les types de pluriel? Quels sont les types? Les types de pluriel, de pluriel. La question après, quels sont les types de pluriel? Et comment se forment ces types de pluriel? T'as même quelle est la particularité des mots à la wazn, elle est sous la forme de fu'ala ou af'ila et de mafa'il. Conjuguez-moi le verbe au passé dahaba. Conjuguer, c'est-à-dire que une conjugaison complète. Conjuguer. Le verbe, zahaba. Quel est le pronom? C'est quoi l'ismu ishara? Qui est utilisé pour le pluriel? Quel est le ismu ishara qui est utilisé pour le pluriel? Voilà. Donc ça, c'est la dernière question. Comment apporter la notion de la proximité et de l'éloignement avec ses pronoms personnels, c'est-à-dire l'ismu ishara pour le bari et pour le pluriel? Comment apporter la notion de proximité et d'éloignement avec... Je veux pas un exemple. Tu veux pas un exemple. J'ai bien dit comment. Tu me dis pour apporter la notion de banana, tu fais kada wa kada wa kada. Je veux même pas t'écrire un truc. Comment apporter quoi? Comment apporter la notion de proximité et d'éloignement ou d'éloignement avec les ismu ishara pour le pluriel. Attends. Comment apporter la notion de proximité et d'éloignement pour les pronoms ismu ishara au pluriel? Quelle est la particularité des pluriels non raisonnables? Quelle est la particularité des pluriels non raisonnables? Non raisonnables. Fais-moi les arabes de. Fais-moi les arabes de. Là, ça fait 17. Ben, compte. Vas-y. Fais-moi. Que disais-tu? Li akhun wahidun ismuhu Usama. Et avant cette question-là, cet arabe-là, ramenez-moi là, la définition du badal. Du badal. Avant les arabes, ça. La définition du badal. J'ai oublié ça. Une grande leçon du temps. Voilà. Il y a une centaine. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il y a des commandants ici, comme elle. Ensuite. أنا ذهبت إلى المستشفى. أنا ذهبت إلى المستشفى. غرام يا سكوم سبيل يا عرب. أنا ذهبت إلى المستشفى. ذهبت إلى المستشفى. ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك يا أخي؟ ما اسمك يا أخي؟ يا عرب. تمام؟ Et pour finir. أأنتم في المدرسة الثانوية القرطبة؟ تعلم لغة بلا؟ أأنتم في المدرسة الثانوية؟ Très simple. القرطبة. Je vais vous donner 10 phrases. Traduire. En arabe et en français. 5-5. Et je vais vous donner le reste du vocabulaire. Je veux le singulier et je veux le pluriel. Comment tu traduis, ou plutôt, je veux, en français arabe. Alors on va commencer par l'arabe. Ou plutôt en français, comme ça vous écrivez plus vite. Cette maison est celle du commerçant. Cette maison est celle du commerçant. La pomme est un fruit délicieux. L'anglais est une langue difficile. Mahmoud est un élève paresseux. À qui appartient ce beau stylo? C'est la quatrième page. Hein. Qui figure sur le bureau? À qui appartient ce beau stylo qui est sur le bureau? Comment tu dis nouveau? Pluriel singulier. Quand je dis nouveau, c'est pluriel singulier, faut le dire. Comment tu dis nouveau? Comment tu dis nouveau? Comment tu dis riche? N'écrivez pas comment tu dis. Riche. Ouais. Comment tu dis pauvre? Comment tu dis grand? Comment tu dis sérieux? Comment tu dis médecin? Médecin. Ça veut dire quoi, Marwaha? Hein? Ça veut dire quoi, Marwaha? On écrit Marwaha? Ça veut dire quoi? C'est moi, tu donnes que 6 mots en français? Non, parce que là, tu mélanges. Non, mélange en ligne, comme ça. Voilà, voilà. Comment tu dis, ministre? Tu es singulier. Il est balèze le contrôle là. Ça va? Non. Je crois qu'il est super simple. Ouais, comment tu dis, petit? Comment tu dis, camarade de classe? Comment tu dis, un vélo? Comment tu dis, un conseiller? Ouais. Ça, c'est juste singulier. Un cahier. Paysan, pluriel, masculin. Pluriel, singulier. Paysan. Paysan. C'est ça, digital. Comment tu dis adolescent? Adolescente. Salut. Adolescente. Ok. Un champ, des champs. Un champ. Un invité, des invités. Quelles sont, ou plutôt, quelle est la particularité des six mots, des asma sita? مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.